Book 2 69 69 69 يحتاج يريد avoir besoin vouloir avoir besoin vouloir أحتاج لسرير. J'ai besoin d'un lit. J'ai besoin d'un lit. J'ai besoin d'un lit. أريد أن أنام. Je veux dormir. Je veux dormir. هل يوجد هنا سرير؟ Y a-t-il un lit ici? Y a-t-il un lit ici? أحتاج إلى مصباح. J'ai besoin d'une lampe. J'ai besoin d'une lampe. أريد أن أقرأ. Je veux lire. Je veux lire. هل يوجد هنا مصباح؟ Y a-t-il une lampe ici? Y a-t-il une lampe ici? أحتاج إلى تليفون. J'ai besoin d'un téléphone. J'ai besoin d'un téléphone. أريد أن أتصل بالتليفون. Je veux téléphoner. Je veux téléphoner. هل يوجد هنا تليفون؟ Y a-t-il un téléphone ici? Y a-t-il un téléphone ici? أحتاج لكاميرا. J'ai besoin d'une caméra. J'ai besoin d'une caméra. أريد أن أصور. Je veux prendre des photos. Je veux prendre des photos. هل توجد هنا كاميرا؟ Y a-t-il une caméra ici? Y a-t-il une caméra ici? أحتاج لكمبيوتر. J'ai besoin d'un ordinateur. J'ai besoin d'un ordinateur. أريد أن أرسل إيميل. Je veux envoyer un email. Je veux envoyer un email. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ Y a-t-il un ordinateur ici? Y a-t-il un ordinateur ici? أحتاج لقلم حبر جاف. J'ai besoin d'un stylo. J'ai besoin d'un stylo. أريد أن أكتب شيئا. Je veux écrire quelque chose. Je veux écrire quelque chose. هل يوجد هنا ورقة؟ وقلم حبر جاف. Y a-t-il une feuille de papier et un stylo ici? Y a-t-il une feuille de papier et un stylo ici?